بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. انهزام الحق يبرز نفسه. أي والله بارك الله فيكم. تجلد للتصدي بعد سنين من الكلام، ذهب يبخش يبخش يبخش ما يجد له من الانتقادات، وجد قضية الجامعة ففشل فيها فشلا ذريعا. ولا إله إلا الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال وقع في مسلك أعداء هذه الجامعة من أهل الأهواء. لا والله، أنا وقعت في مسلك أهل السنة. كلامي كلام أهل السنة في هذه المسألة بالذات، هو كلام المشايخ السعودية وكلام الذين عايشوها من طلاب العلم والذين رأوا ما فيها. كيسكون تخديس الباطل، أما الحق لا، فلهذا تدخل فات كونتراديكسيون في كتاب الله أبدا. C'est pour cela que tu trouves pas de contradiction في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهزام الحق يبرز نفسه. أي والله بارك الله فيكم. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. تقدم معنا في الدرس الأول من هذه الدروس في بيان التناقضات في هذه الفتنة، فتنة عبد الرحمن العدني هداه الله. وأخذنا التناقض الأول ما يتعلق بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وذكرنا كلام الشيخ المفصل الذي فيه أن في الجامعة بعض الطلاب وبعض المدرسين من أهل السنة، وبعض الطلاب وبعض المدرسين من الحزبيين. وتفصيل الشيخ نصح الذي ذهب يذهب فيجلس مع أهل السنة، هذا كلام واضح. ثم كلام الشيخ عبيد أنه رد على الشيخ وألزمه ببعض الأمور، ثم تفاقمت هذه الأمور وانتشرت الفتنة حتى أخرج الشيخ عبيد أصلحه الله شريطا يطعن فيه بالشيخ يحيى وفقه الله. ستأغطي هنا صح وغبت الكلام حتى نكونتينو. قال الشيخ عبيد هداه الله: الأخ يحيى صليت اللسان فاحش القول، ما يرعى حرمة أحد، أو ما يرعى حرمة أحد، أي respect l'honneur de personne. فاحش القول، il dit des mauvaises paroles. أي فاحش c'est un mot شديد. صليت اللسان، أي parle sur tout le monde. لو صاحبته 10 سنين يمكن يهدمها في ساعة. قوله يمكن سمونت خنا c'est un rad et il est sûr, démontre أنه il a fait telle chose avec des preuves. أما si tu le fréquentes 10 ans, il se peut qu'il détruit cette amitié en une heure. هذا يحتاج لأدلة. نحن on a vu des طلاب qui avaient un mauvais comportement مع الشيخ. Des طلاب خاصة من هؤلاء المفتونين، ils avaient des mauvais comportements et الشيخ يصبر معهم ينصحهم برفق. نحن on l'a vu de nos yeux, on l'a entendu de nos oreilles, on l'a vécu. هذا أما هذا الكلام يمكن يهدمها في ساعة، لا ما سكي سي باسا avec العدني، لا c'est fondé sur الدين ولا وبراء. il n'a pas accepté le haq, فالشيخ il l'a délaissé لله عز وجل. قال ما يبني على الرفق. On a lu le kalam de Cheikh Yahya. Les réponses à Cheikh Ubayd dans Masalat al-Jami'a, c'était fondé sur le rifq. هذا الكلام الان il n'est pas sahih. قال وهو وان كان عنده علم لكن محروم الحلم والحكمة. أي il a dit dans ce charit que le cheikh il a du ilm, lakin il n'a pas de patience, il n'a pas de hilm, il n'a pas de hikma, il manque de sagesse, de douceur. Qala amma aw ana qala ana alzamtuhu bi umur wa ma altazama biha aslan. Il a imposé des choses à cheikh, les trois points qu'on avait lus dans le dors précédent. Et on a dans cette cassette, il dit cheikh il n'a pas appliqué ces choses. الشيخ il applique le kitab au sunnah à la fahm du salaf. الشيخ il doit se soumettre aux adillah. Amma ijtihad d'une personne ou la pensée d'une personne ou son avis là, كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. هكذا قال الامام مالك بل الحديث اللي ثابت مرفوعا عن ابن عباس. الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. On doit suivre, se soumettre au texte. Je t'impose une chose. Je te dis à Foulan, moi je vois telle chose, telle chose, telle chose. Peut-être que toi tu vois autrement. Tu vas me dire là. Est-ce que je suis obligé de t'imposer là? Si un dalil, na'am, je cite le dalil. Les trois choses, anna al-jami'a y'a pas de hizbi, anna hu il doit parler en bien de la jami'a, anna hu il doit pas interdire l'étude, étudier dans le jami'a. Les trois choses, el shaykh Yahya les a pas dit, aslan. Cheikh Al-Hayl n'a pas dit qu'avec des hizbis, il n'a pas interdit d'étudier Hunak. Et il a parlé en bien de Jamia, il a dit Fiha Mudarrisun, Fiha Tullab Salaviyun, il a akhri. Et nous, on va lire Kalam Ahl al-Ilm aujourd'hui pour démontrer à Ba'd al-Mashayikh qu'ils ont eu un Kalam encore plus dur que celui de Cheikh Al-Hayl. Plus dur, les Mada, tu ne leur as pas imposé ces trois choses. Tomatarod, tu dis j'avais imposé à Al-Hajouri ces choses, il n'a pas accepté. Toi aussi, tu as dit telle chose, tu dois appliquer ces trois choses, sinon, كذلك, je parle mal en toi. Ah, c'est pour ça qu'on a cité tout ce thème, c'est une contradiction. قال ألزمته بأمور في المقولة الثانية التي هي النقد ألزمته فيها بثلاثة أمور حتى يكون الرجوع صحيحا. الرجوع صحيحا, si un خطأ, il est avec le kitab والسنة, pas avec des choses que tu cites sans dalil. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما أنت تنافي montre ton avis بالرفق بحكمة avec des أدلة. ثم celui à qui t'as reproché laisse-le parler, et s'il démontre بعلم et بأدلة que toi t'as pas cité, c'est toi qui dois revenir à son قول et c'est toi qui dois t'excuser. هذا أما imposer à une personne de te suivre لا لا يجوز. الشيخ اللي أرفع من هذا. الشيخ il a été élevé à la sunna, il a été élevé عند الشيخ مقبل الإمام الوادعي رحمة الله عليه. قال الرجل حذر من الجامعة وتلفق الرجل بعض الشيخ يحيى الرجل حذر من الجامعة وتلفق هذا منه بعض أتباعه. يقول أن الرجل الشيخ يحيى لم يقعد contre la jami'a alors qu'on a on a on a lu le tafsir, on a lu le kalam الآن, il est pas صواب. من الأمانة العلمية والإنصاف والعدل. C'est quand tu réponds à une personne, tu cites ce que cette personne a dit. الرجل حذر من الجامعة. Il y a un tafsir. Cheikh Yahya a dit si tu étudies, fais attention aux hizbiyyin. Et Cheikh Yahya a dit si tu étudies et tu t'assois avec les salafis, les mudarris salafis, c'est mieux que tu restes ignorant. فلماذا يقول حذر من الجامعة مطلقا. On va voir des kalam أن بعضهم ils ont حذر مطلقا. لكن الله المستعان. قال وتلفق هذا منه بعض أتباعه. نعم أي des suiveurs de Cheikh Yahya ont propagé هذا. قال فيحذرون من الجامعة الإسلامية حتى في الغرب. Si une personne elle s'égare ou elle met en garde complètement contre le jami'a sans faire de tafsir, elle est injuste, on ne peut pas reprocher à Cheikh Yahya هذا. Même si c'est un de ses élèves, on ne peut pas reprocher à Abedan. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Khasatan, Cheikh Yahya n'a jamais dit ça. C'est Cheikh Yahya, il aurait dit cette chose. Non, il est responsable, il y a un nombre de ses élèves. Mais Cheikh Yahya, il n'a pas dit ça. Et Hada, ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Il y a des personnes qui mettent en garde contre le Jami'a. Ça, ça reste à prouver. Qala yuhadhiruna minha. Rajulun kullama qulta lak. Rajulun kama qultu lak. Rajul salitul lisan. Tout ça par rapport à cette mas'al. Allah l'afiyah. Rajul, comme il dit, il répète, il dit, comme je vous ai dit, Rajul et Cheikh Yahya salit al-lisan. Là, c'est pas Hakada. Cheikh Yahya, il n'a pas voulu te suivre, il n'a pas voulu te suivre aveuglément, et il t'a pas accepté. Ah, non, faqat. Amma, wallah, il n'est pas salit al-lisan, et Cheikh Ubaid, il sait ça. Cheikh Ubaid, il est venu à Damac en 1426 avant la fitna, en 1425, en 1426, et il a visité Cheikh Yahya, et il a vu l'ikram, il a vu l'ilm, il a vu l'adab. لكن فتنة. قال أنا ألزمته بأشياء. أنت ألزمته بأشياء. الشيخ يحيى كذلك. يفعل تدير دي شوز كذلك. تتعجب أنت سكلام. أنا ألزمته بأشياء. C'est pas toi qui impose au moi au fulan. Là. On revient au Coran au Sunna. دائما. On dit, nous, en tant que salafi, on doit revenir au kitab, au sunnah. On doit suivre personne dans l'égarement, dans l'erreur, dans son avis, sauf s'il a un délit. Quand je parle de l'avis, pas l'égarement, tu le suis pas mutlaqan. هنا انا الزمته سهل ان اوتر يبقى دير اوتر ان اوتر بارول ان ثوازيام يبقى دير ان اوتر بارول قال وانت قرات بارك الله فيك نعم اون ا لو اي اون ا فيو ان الكلام الى خطا اي اون ا فيو ان الحق سي التفصيل في هذه المساله كوم ايزون في دوتر اي كوم اون فالير قال والشخص بارك الله فيك صليط اللسان ثوازيام فوا قال شعبه رحمه الله العلماء ما يقبلون جرحه لان الرجل متجاوز مفرط في جرحه طعن في شعبة من الحجاج. توصل الآن. ça vous montre dès que t'as peu d'insaf. Et quand t'es pas juste et quand t'essayes d'imposer une chose, t'as pas de délit, tu peux glisser à tout moment. لأن الآن pour montrer أن le كلام de Cheikh Yahya on l'accepte pas, il fait une comparaison avec شعبة من الحجاج. تعرف من شعبة أبو بستان. il l'appelait أمير المؤمنين في الحديث. اقرأ تزاكي السلف sur شعبة. C'est le premier à avoir répliqué contre des personnes dans l'Irak. Cette personne était respectée عند l'imam Ahmed, عند Sofiane, عند جميع العلماء. الآن هو يدي الشعبة العلماء ما يقبلون جرحه. أبدا. كيف العلماء إذا كسبت الجرح دي شعبة؟ شعبة il est pas معصوم. Ils peuvent rejeter une de ses paroles si il s'est trompé. مرة il s'est trompé رحمة الله عليه شعبة أنه il est passé vers une maison. Et il y avait de la musique. Et c'était la maison d'un imam. Et il a entendu de la musique. Il a dit, je ne prends plus le hadith de cet imam. Bah, l'ulama, là, ils ont dit là. Alors, savoir, c'est que cet imam, c'est un fiqh. La musique, elle est venue de chez lui. Rubbama, c'est ses enfants. Rubbama, il dormait. Hada, même, mitla hada, Shu'ba, il n'est pas ma'soum, rahimahullah. Lakin al-itlaq, Shu'ba, rahimahullah, l'ulama, ma yakbalu njarha. Ça, c'est un ta'an shadid. فلماذا سافون دو جاكو التعديل شعبه لماذا سان امام سي زاكسيب با سي بارول تو سا بور فير اون كومباريزون ان لو جرح دو شيخ يحيى ولا اكسبت با لان العلماء زاكسيب با سولو شعبه ابدا يوجد ردود في هذا ردوا عليه ولله الحمد الشيخ يحيى رد عليه وبعض الطلاب ردوا عليه ما بالك الشيخ يحيى لو غادي هذا Change un tel an, change les noms. Cheikh Yahya Yaqoul, si on dit Cheikh Yahya Yaqoul, Shu'ba Rahimallah, l'ulama ma yakbaloun jarha. Falas, tu vas entendre Haddadi pendant une semaine, hatta ta mal à la tête. Lakin l'an, Cheikh Ubaid qala hada, wala ahad. Fi man a'lam, à part Cheikh Yahya et ses élèves, hada ayjouz. Normalement, cet imam, c'est un imam de la sunna, et nous, on est des sunnis, la ayjouz. Khassatan, il est mort il y a des années, il a un juhd kabir. يجوز مثل هذا الكلام شعبة العلماء ما يقبلون جرحها أبدا بل إذا أكسبت son جرح إسيا خطأ يوجد له خطأ لأن الرجل متجاوز مفرط في جرحه سي بارسو كلام يبو شعبة سي غراب الرجل سي يبو شيخ يحيى لا يجوز له إلا فالغوا يدوى المنطقي إسي يبو شعبة فالكلام إلي خطير قال وأما شخص يقصد بهذا الشيخ يحيى اللي قبلنا الشيخ يحيى مجلسه عامر بالسب شوف الآن il veut faire croire en la Cheikh Yahya ses assises il y a que des insultes بالله عليكم on était tous ولله الحمد à Damaj certains d'entre nous des années, d'autres moins. Est-ce que vous avez vécu cela? On allait, بعد الظهر, c'était Tafsir ibn Kathir. Alhamdulillah, même à Sana'a, les deux roses ont repris. C'est l'assise qui est à Dammaj, nous allons décrire les annaux où il parle de Dammaj, et celle de Sana'a, alhamdulillah, ala hal. Après le dhuhr, Tafsir ibn Kathir. Vous avez déjà entendu Cheikh Yahya insulter? Ah, mais Tafsir kalam Allah. Il lisait Tafsir ibn Kathir et il explique. Si il faut redire à la mubtil, al-radoud, c'est mashru'a. Si c'est avec ilm. Une fois sur deux, un jour c'était Tafsir ibn Kathir, l'autre jour c'était le Jami' al-Sahih. Il expliquait Sunnat al-Nabi alayhi salatu wasalam, le livre de Cheikh Muqbil. Après l'Asr, Tafsir al-Sharh al-Bukhari. Walillah al-Hamd, on l'avait fini, Thumma il l'a repris au début. Est-ce que tu peux qualifier ces assises Amir, Amir, tu sais quoi, c'est plein. Amir, c'est qu'il y a beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Allah, même les meftoun, ils étaient dans les assises de Cheikh, ils savent qu'il n'y a pas Amir. Il n'est pas maçon, Cheikh. Il peut dire une calame, il se trompe, il peut montrer son erreur. À ma dire, toutes ces assises, elles sont pleines de ce. Ça, c'est un manque d'insaf. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné celui qui parle, il parle bi'adl. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit fa'dilou, c'est un amr. كذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ça, c'est pas un قول سديد. Ça, c'est pas vrai. قال والشيخ والشتم. قال مجلسه عامر بالسب والشتم. الشتم ça ressemble au سب, des insultes, des accusations. قال والوقيع في الناس. Ces assises, elles sont pleines. كذلك il accuse. Il accuse des personnes. Là, Abedan, Cheikh Yahya, quand tu l'as insulté, quand t'as entavé le ghayr al-haq, il a répondu. Et il a dit, c'est mashrou', comme on va voir à la fin du rad, comme on va voir à la fin, on expliquera. L'imad Cheikh Yahya, il a répondu. Là, quand Cheikh Yahya, il a répondu à tout ça, pardon, ils ont dit, Cheikh Yahya, il parle sur Cheikh Ubaid, il parle sur les savants. L'imad, quand Cheikh Ubaid, il a parlé sur Cheikh Yahya, t'as pas dit ça? Alors qu'on t'a déjà prouvé plus d'une fois, et on va le revoir, les savants, ils ont démontré que Cheikh Yahya est un savant, Cheikh Muqbil, Cheikh Rabi', Abdurrahman Adani lui-même, comme on va lire son kalam. Il dit que Cheikh Yahya al-Hadouri, c'est min kibar ahl sunna bil Yaman. Hakada il dit Abdurrahman Adani, on va lire sa parole, on l'a noté. L'imada, quand ils ont parlé, il a parlé sur Cheikh Yahya, Cheikh Yahya il a répondu un peu après, quelques jours après. L'imada, quand il a parlé, vous n'avez pas dit Ubayd Jabri, il ta'an fi Cheikh Yahya, il ta'an sur les savants. L'imada, ça manque d'insaf. Quand on vous a dit, anna hadi al-fitna, elle est fondée sur at-tanaqud. Tanaqud, des contradictions, chaque mas'ala qu'on va voir, que ce soit le jami'a, que ce soit kitab al-ibana, que ce soit beaucoup de choses qu'on va voir, vous allez voir que des contradictions adib. Si tu parles, tu montres, t'es mauvais, t'es un haddadi. Si eux ils parlent, eux ils sont à la sunna. Abadan, abadan. Nous et vous, on doit revenir au Coran ou à la sunna. Et celui qui aura le dessus, c'est le haq. C'est ni moi, c'est ni toi. Si le haq il est avec moi, c'est moi qui aura le dessus. Si le haq il est avec toi, tu auras le dessus. Lakin, al-masala le haq, elle n'est pas avec les noms ou le nombre, comme vous pensez un tom, ou kathir minkum. الوقيع في الناس هذا بارك الله فيكم ما يحضر مجلسه نعم على فاي لا كونكلو ان هذا تاسيست با سيز اسيز لان اي سيك شيخ هاي استغى با ابدا اي سيك شيخ هاي لا دو علم لو ميم الا دي ولو كان عنده علم الان الى سيد لي بيرسون يفون بو شيخ يحيى تو سا با رابور مساله الجامع. Une autre étape qu'on lira, laquelle on la cite ici, on la notera, Inch'Allah ta'ala, on la citera. Deuxième kalam, Cheikh Ubaid Thomas Cheikh Yahya, il va son kalam, il va changer. La chèque. Rifq, la personne ne veut pas, il l'insulte, il l'attaque, il y a juste, tu te défends. On citera les adillah via. Les adillah minal Qur'an ou minal Sunnah. Quand Nabi Sansa, il n'a dit ça, il haq maqal. Celui qui a le haq, il a le droit de parler. Celui qui a accusé, il a le droit de se défendre. Thomas, après cette marhala, ils vont trouver une deuxième mas'ala. On ne détaillera pas nous ici, là, on la citera pour montrer les contradictions qu'on avait cité dans ce qui reproche à Cheikh Yahya les doulos qu'on avait fait. Anna Cheikh Yahya dit Anna Ahlus Sunnah c'est Aqrab Tawaif ila al-Haq. On avait cité cette mas'ala, on la reverra bisur'a. Thomas Cheikh Ubaid, après il a bedda, il a montré Cheikh Yahya c'est un moubtadi'a, ça a kada. C'est deux mas'ala. Le Jami'a, il l'a insulté, il l'a accusé, il a démontré qu'il ne faut plus aller chez Cheikh Yahya. Thomas, deuxième masala, il va répondre aux questions de Hadramaut. Qu'est-ce que tu penses, celui qui dit Aqrab al-Tawa'if ila al-Haqq, c'est al-Sunnah? Et lui, il a dit c'est un mubtadi', c'est un kadha. Cheikh Ibn Baz, il a dit hada, Cheikh Mokbil, il a dit hada, Cheikh l'Islam, il a dit hada, Cheikh Fawzan, il a dit hada. On va citer une liste de 20 ou akthar qu'on dit hada. Lakin, dès que c'est Cheikh Yahya, c'est un mubtadi', dès que c'est les autres, on n'a jamais entendu de réponse ila al-An. Et on citera ce point. Lakin, c'est pour vous, je voulais citer l'An pour vous faire l'ordre, hatta vous avez un aperçu. Al-An, après tout ça, on va lire kalam. بعض العلماء في الجامعة حتى إن شاء الله on voit cette contradiction. لماذا quand c'est Cheikh Yahya c'est une erreur, quand c'est un autre là, لماذا, ça c'est عدم إنصاف وعدم عدل dans cette مسألة. On commence par كلام العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. Il connaît هو الجامعة, il la connaît, بل c'est parmi les personnes qui la connaissent le plus. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, bien après Kalam de Cheikh Yahya avec Cheikh Ubaid, après, Cheikh Abdel Mohsin, il a décrit l'état de l'Jamia. Que ça s'est aggravé d'Itten. Et, walillah alhamd, tout le monde sait ça. La question qu'on se pose, Anne, quand on va dire Kalam de Cheikh Abdel Mohsin, pourquoi Cheikh Ubaid il a pas rote? Ah, si c'est vrai, donc, c'est bon, le Kalam de Cheikh Yahya, il n'y a pas de problème. L'Jamia, elle a changé, elle a changé. Et il revient, il dit, les problèmes que j'avais eu avec le Hajouri, je lui avais dit le Jami'a. En fait, le Jami'a, c'est vrai, elle n'est plus comme avant. Il montre, elle n'est comme avant, comme elle est maintenant. T'as pas à critiquer. Qala Cheikh Abdel Mohsin, fil mudda, allati bada'a fiha idhaaf al-Jami'a fi majal ikhtisasiha, fahiya fil haqiqa fatra shaykhoukha wa haram. Naam, lianna... Ils ont essayé de changer les programmes de Jami'a, mettre des choses de dunya, de la technologie, de la médecine, des langues étrangères. Ils ont essayé de mettre ça dans Jami'a. Et là, ils essayent. Et Cheikh Abdel Mohsin, il montre qu'Al-An, Jami'a, elle a passé son époque de jeunesse. Al-An, elle est dans une étape de vieillesse, Cheikhouk. Qala, wa hiya mimma yu'azza alayhi. وقد عايشت هذه الجامعة وأدركت في شبابي شباب وأدركت في شبابي شبابها وقوتها ثم أدركت في شيخوختي هرمها وضعفها. الشيخ عبد المحسن يقول moi j'ai vécu l'étape de la jami'a, j'étais jeune et la jami'a elle était jeune et elle avait de la quwa. ثم maintenant je suis vieux, كذلك الجامعة elle est dans une époque de ضعف. قال ولله الأمر من قبل ومن بعد وأنه لا يحزنني ويؤلمني كثيرا أن أرى جامعة أسست على التقوى من أول يوم. Tout le monde est d'accord على هذا. Même Cheikh l'a dit. Cheikh combien de fois il l'a dit? À l'époque de Cheikh Ibn Baz, elle était بقوة, دعات, مشايخ. C'était parmi la da'wa une des plus fortes du monde. Cette جامعة. هنا Cheikh Al-Muhsin le dit كذلك. Et ça c'est بالاتفاق. عند أهل السنة عند السلفيين. Tout le monde reconnaît هذا. قال وقال على التقوى من أول يوم الشيخ عبيد كذلك. ثم كان الشيخ يحيى لا démontré le changement par rapport à avant أنه يدي حزبيين أنه avec les témoignages. الشيخ عبيد il a pas accepté. لماذا تجي ساش الجامعة لكذا؟ الآن عبد المحسن عباد حفظه الله il va dire من هذا الكلام. قال وتولى غراسها الشيخان الجليلان محمد بن إبراهيم أي آل الشيخ رحمه الله وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. قال يؤول أمرها بعد نصف قرن على إنشائها إلى أن تكون في مهب الريح. Il dit après tout ça, la moitié d'un siècle, elle a été fondée par des savants. ثم الآن خلاص. Ils sont en train de tout détruire هؤلاء avec leur أفكار. قال فتضعف بها الأعاصير وتكون مجل إعجاب المستغربين والتغريبيين. نعم. حتى الآن يا بعض أفكار الغرب veulent mettre في هذه الجامعة des matières qu'il n'y avait pas. نعوذ بالله. قال والصحفيين. نعم. قال بل وحتى الصحفيات التي لا وجود لهن قبل عدة سنوات. الآن دي جورناليست حتى دي جورناليست فام الآن ربما تدخل. نعوذ بالله. قال وأسأل الله عز وجل أن يوفق كل من له سلطة على الجامعة وعلى رأس الجميع خادم الحرمين أي لقوات عرب سعودية حفظه الله للعمل على إبقائها قوية منيعة سالمة من الضعف والإضعاف. C'est ça le موقف de la sunna. Est-ce que on va dire là, pourquoi il dit ça? Là, il fait du'a. Et on doit tous s'entraider. Et on fait du'a pour le roi d'Arabie Saoudite, qu'Allah il le wafak, que cette jami'a, elle reste comme elle était. Lakin al jami'a, elle a changé. Cheikh Mohsen Abbad, il le montre. Kadarik, elle a changé niveau manhaj. Certains mudarris, certains tollab, c'est des hizbiyyin, wadih. Fait pourquoi on n'aurait pas le droit de dire, si un frère il demande, tu lui dis, si tu vas à Honak, attention, il n'y a aucun mal. Al-An, ce kalam de Cheikh Abbad, il encourage d'étudier Honak. Là, je sais que si tu lui demandes avec tout ça, il va te dire, n'tabé. La vichy, la dîn ou nasiha. Ce kalam 1431. Maqal, min dhikriyati. عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعد مرور نصف قرن على إنشائها. نعم. après un demi siècle, qu'est-ce qu'elle est devenue la جامعة؟ كلام de Cheikh Al-Abbad 1431. نعم. il y a 3-4 ans. Le كلام la fitna Cheikh Ubayd, le كلام 1429, deux ans après. Parler sur Cheikh Al-Abbad في المدينة, c'est pas simple. Cheikh Yahya في المدينة, dès que Cheikh Ubayd l'a parlé, كثير منهم تعصبوا. il y en a qui sont à la خير ولا إلهام, لكن كثير منهم تعصبوا. Ils ont dit les malades, أما شيخ العباد الآن الكلام فيه c'est pas سهل. فلهذا أبشرك تطندر جماعة كلام علي. شفت مسألة أبدا واحد يفتح فمه. كذلك كلام شيخ ربيع نقرأ. قال الشيخ يحيى وفقه الله في رده على الشيخ عبيد كلام شيخ ربيع. الشيخ يحيى إلا cité dans le rad qu'il avait fait à Cheikh Ubayd 1429. قال شيخ يحيى حفظه الله قال الأخ عبد الباسط السوفي الجزائري الأخ عبد الباسط اللي معروف عندنا il était parti en 1423 pour s'inscrire à الجامعة أي rapport الحمد لله رب العالمين هذا كلام عبد الباسط وبعد فأشهد أو فأشهد أني لما تقدمت بالدخول للجامعة الإسلامية سنة 1423 أردت avant qu'il vienne à Dammam أردت أن أتشفع بالدكتور عبد الله المطرفي c'est un مدرس مادة الحديد c'est un مدرس الجامعة dans la science du حديد عبد الله المطرفي لأنه كان رئيس لجنة إفريقية الخاصة بالمسابقات في الجامعة نعم c'était le président de اللجنة du comité des Africains في الجامعة الأخ عبد الباسط c'est un Algérien L'Algérie c'est en Afrique. Il a voulu passer par ce professeur et le faire rentrer fil jamia. C'est lui qui s'occupait des Africains, ceux qui viennent d'Afrique. Qala thumma fusil. Naam. Il a été exclu de le jamia, ce professeur. Liada al-Akh Abbasid, il n'a pas pu. Faqal Abd Abbasid a rencontré son professeur, il lui a dit Al-Lajna al-An kulluha hizbiyya. Lana lui, il faisait partie de l'Lajna, les comités qui accueillent les élèves. Il lui a dit Al-Lajna, c'est tous des hizbi al-An. Il lui a montré, je vais montrer, en attendant l'inscription, ça va être dur. Qala, illa wahid ghayr muta'assib. Sauf un, il n'est pas muta'assib, walakin minhum. Lakin il est avec eux. Lakin il n'est pas muta'assib comme les autres. Wa kadhalik, l'Abbasid est témoin. Sami'tu al-Sheikh Rabi'a, hafidahullahu ta'ala, fi baytihi bil Madina. Lama zaraha fi Ja'ban, 1423. L'Abbasid, à cette époque, 1423, quand il est parti à Al-Jami'a, il s'est passé ce qui s'est passé. Sheikh Rabi'a, il est venu en visite à Al-Madina. Il a une maison de Madina. Al-Akh al-Wasid, il a visité Cheikh Rabi'a. Qala, yaqul, fi Sha'ban 1423, Sha'ban 1423, yaqul, juste avant Ramadan. Cheikh Rabi'a, yaqul, inna al-jami'a al-islamiyya tahtawi mudarrisin hizbiyyin. 1423. Parole de Cheikh Yahya, 1429. La parole de Cheikh Yahya, elle est bien avant. Lakin, eux, ils ont voulu à Cheikh Yahya cette année. Alors que Cheikh Yahya, la parole, elle était bien avant. Et Kadalik, ça, c'est une chose qui est pas normale. Les Mahada, vous n'avez pas parlé avant. Ils ont parlé, Masala de Jami'a, quand Cheikh Yahya, il a parlé sur Abdurrahman al-Adel. C'est pour ça que je vous ai dit, cette Masala, en fait, c'est un sulam pour arriver à une chose. C'est une étape, faqat. Amma Cheikh Rabi'a, il a parlé en 1423. Cheikh Al-Mahsin, il a parlé en 1431. Avant et après. Et dans les deux cas, tu trouveras que Cheikh Ubay et les autres, ils ont parlé. تحتوي أي فيها مدرسين حزبيين لكن المناهج السلفية أما les programmes c'est des programmes salafis في العقيدة في الشيخ عبد المحسن 1431 c'est sur ça qu'il appuie il y en a même les programmes ils vont changer programme il veut mettre des choses de dunya et ça va faire du mal aux tollab ça va mélanger des tollab ilm avec des ashab dunya ça va faire du mal. Le Cheikh Al-Muhsin l'a appuyé sur ce point. Amma Cheikh Rabi en 1423, là, chaque les programmes ils étaient à la sunna. Maintenant, dans l'aqidah, ils étudient l'ouastiyya, l'tahawiyya. Comme on étudie Ad-Dammaj, wallahi, alhamdulillah. Fait tawhid, ils étudient l'usul talat, kitab tawhid, fatih al-majid. Comme on étudie Ad-Dammaj, c'est des programmes tayyiba, maroufa. Laquelle, un, le problème, c'est le prof. Al-An, est-ce que le prof, il peut t'expliquer un kitab salafi avec ses afkar? Naam. Tu crois que le hizbijin, Al-Qutbiyya, Sururiyya, tout cela, ils lisent pas Kitab Tawhid, l'Ouastiyya, ils les expliquent pas à leurs élèves. Lakin, comment il va te l'expliquer? Dans le Coran al-Karim, Kitab Allah, Amun Harif, il peut te l'expliquer et il te cite des choses, minhawa. Il te cite le verset, tout le monde, il t'explique à sa façon. Et les salafis, ils n'ont jamais dit tu peux étudier dans un endroit où il y a des programmes salafis avec des mubtadi'a. Abadan. Dans le salaf, le Coran, il n'écoutait pas de mubtadi'a. Il n'explique pas le Coran. Atar Mohamed ibn Sirin, il a agri son coul. Tout le monde cite tout ça, pas pour dire que le jami'a, il y a des profs, il y a que des profs hizbi, tu ne peux pas y aller là. On cite que celui qui y va, la parole de Cheikh Ahmed Tayyib. Si tu vas, fais attention, il y a des modérissines hizbiyines. Ça fait attention, dès que tu vas, tu te renseignes et tu prends tes cours avec des modérissines, c'est la vie. Al-An, Cheikh Rabi'a, quand il dit, Hamidahullah, tahtawi modérissines hizbiyines, est-ce qu'il dit qu'il faut aller étudier chez eux à ton avis? Abadan. Abadan, Cheikh Rabi'a, il ne dira pas, va étudier chez des hizbi là. Par rapport, on parle de cette mas'ala en 1423 dans le jami'a. Alors, Cheikh Rabi, il leur a dit, étudiez là-bas, mais faites attention aux modérissines hizbiyyines. Prenez les manahij, les matières avec des sunnis, vous prenez l'ilm et faites attention aux hizbiyyines. Allez, où la différence entre la parole de Cheikh et la parole de Cheikh Rabi? Cheikh Yahya il a dit, si tu vas, fais attention aux hizbiyyin et assieds-toi avec les modérés salafiyyin. La parole de Cheikh Yahya. La parole de Cheikh Rabi, خذوا المناهج واحذروا الحزبيين. Allez où la différence? Voilà le farq. Lakin al-hawa. Dahab al-waqt. Baqi, kalam Cheikh Mohamed al-Imam, Cheikh Mohamed ibn Hadi, et on conclura avec kalam Abdurrahman al-Adani. Subhanak, Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.